sais pas garder les pieds sur terre. Je sais pas vivre sans me questionner. Je sais pas m'arrêter et me taire. Je sais pas m'enlever les fausses idées. Je sais pas si tu m'entends. Je sais pas si tu es belle. Je sais pas si je suis franc, mais je sais j'ai le cœur caramel. But to you, je peux exister, je sais pas comment en faire face. Je sais pas si tu pleures, je sais pas si tu es heureuse. Je connais pas mes rancœurs, mais je crois que tu es heureuse. But to you. Do you anyway? I'm not here. Je sais pas si c'est un jeu. Je sais pas si je suis un pion. Je sais pas si je rêve de nous deux. Je sais pas si c'est une illusion. Je sais pas si tu t'habilles bien, je sais pas si je vais tomber. Je connais pas d'autre chemin, seulement celui où je ne fais que de tourner. But do you anywhere? I'm not here. But do you? Je sais pas si tu m'entends, je sais pas si tu es belle. Je sais pas si je suis franc, mais je sais j'ai le cœur.